bout des serments pour le vaincre, conquérant l'horreur des serments. Mes baisers sauront te convaincre, tu verras, ils sont éloquents. Ne résiste pas, car je t'aime, et crois-moi, tu m'aimes aussi. Vivons l'éternel poème, rien ne vaut ce moment-ci. Vivons l'éternel poème, rien ne vaut ce moment-ci. Mon bel officier, pourquoi me griser? N'est un jeune méchant qu'il faut. Mon émoi, mon pauvre cœur gris à l'œil.